L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Accueil et Réinsertion sociale organise une conférence débat sur la thématique des femmes à la rue. Ce sera le 7 mars de 14h à 17h30 à l'espace Acoris, viaduc Kennedy à Nancy. Rémi Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ARS. Oui. La féminisation du sans-abrisme est longtemps passée sous les radars. Alors peut-on aujourd'hui quantifier l'augmentation des femmes sans domicile ? On enregistre une progression ces dernières années. Concernant le public de sans-abri qu'on accueille principalement sur notre accueil de jour ou encore donc en contact avec les travailleurs sociaux qui effectuent les maraudes du SAMU social, on estime à peu près 20%, alors que 2 ans auparavant, on était à 10% du public féminin qui frappe à nos portes. Justement, votre association, elle est au premier plan sur cette problématique ? Oui, puisqu'on a une mission donc en direction des publics sans-abri, le 115 en première intention, donc qui est la porte d'entrée pour l'information et plus particulièrement pour l'hébergement d'urgence, et puis le SAMU social, donc qui est actuellement dans le cadre du plan hiver est activé tous les soirs, et également donc dispositif d'accueil de jour pour donc domiciliation des personnes sans-abri, et également donc prise en compte des besoins primaires, hygiène, alimentation et accompagnement social. Alors cette conférence débat, ce sera demain à l'espace Acoris. Pourquoi avoir organisé cette thématique-là ? Parce que donc effectivement, c'est un public qui est mal connu. Il y a peu d'études au niveau national qui concernent spécifiquement donc le public féminin à la rue. Longtemps, je pense que ce public a bénéficié de filets de protection, notamment quand il y avait des enfants, donc avec la protection maternelle infantile, avec la protection de l'enfance, qui faisait que les femmes à la rue, c'était quand même une situation relativement rare et exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et dans le cadre justement de cette journée internationale, il nous semblait important de faire un focus sur une partie de ce public qui n'est pas oublié, mais qui est de fait quand même moins importante, la population féminine dans son ensemble, parce qu'il y a des problématiques qui leur sont spécifiques. La vie à la rue, c'est une vie quand même qui est difficile. Nos propositions d'accompagnement d'hébergement sont pas toujours nécessairement adaptées. On essaie de mettre en place des accueils spécifiques femmes. Donc il y aura d'ailleurs à ce titre 2 interventions donc demain après-midi sur ces missions d'accueil. Elles demandent également plus de protection, un accès aux soins également spécifique. Il y a la question de la violence également dans la rue, et qui plus est, donc les femmes, de fait, ils sont soumises également. Donc c'est ces spécificités, on va dire, qu'on souhaitait mettre en lumière et qu'on souhaitait réfléchir demain après-midi. Voilà, de mise en lumière qui sera faite aussi à partir de témoignages de femmes qui sont confrontées à ces situations. Il y aura aussi une intervenante, Marie Loison, c'est ça ? Oui, tout à fait. Marie Loison, donc, qui est maître de conférence donc à la Sorbonne à Paris, et qui a travaillé donc sur la question du genre et du sans-abrisme, qui va nous proposer un éclairage un peu global et un panorama un peu d'ensemble de cette problématique. Et à la suite de cette intervention, donc une table ronde là qui va regrouper un certain nombre de professionnels de l'association ARS, de notre accueil de jour. On espère, comme vous le soulignez, donc qu'il y aura des témoignages de femmes à la rue. Pour l'instant, elles sont d'accord. Après, c'est quand même un exercice qui peut être impressionnant pour ces femmes devant une centaine de personnes. Donc, on espère qu'elles soient présentes. Une intervention également d'un assistant social de l'association qui a une mission spécialisée en direction des personnes prostituées, parce que à certains moments, la prostitution, donc les femmes à la rue, deux problématiques qui se rejoignent. Une présentation de la future maison des femmes qui ouvre ses portes sur Nancy. Également donc une intervention donc d'une personne de la FAS, Fédération donc de l'action sociale, qui a fait tout un rapport sur ces questions. Un médecin, parce qu'il y a la question de l'accès aux soins, soins d'urgence, maternité, soins spécifiques donc aux femmes, et puis présentation également d'une expérience particulière sur un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, avec là encore, je dirais, un focus un peu particulier et un espace réservé uniquement aux femmes une fois par semaine. Voilà, donc relativement diversifié, dense. Bien sûr. Mais cette conférence débat, elle est ouverte au public ? Malheureusement non, parce que les places sont restreintes. On a la possibilité d'accueillir une centaine de personnes. Donc, on a fait une campagne importante en direction principalement des associations, des collectivités locales, des institutionnels. Et à l'heure qu'il est, la centaine de places sont déjà retenues. Effectivement. Mais ça va permettre de parfois faire changer le regard, évoluer le regard sur ces situations qui sont encore, comme on le disait au début, pas souvent passées sous les radars. Tout à fait. C'est un peu le but, effectivement, de cet après-midi. Alors, on a déjà j'évoquais précédemment la question également de la maternité, de la présence d'enfants. Donc, c'est aussi une spécificité avec ce public. Donc, on n'exclut pas, d'ailleurs, de refaire une journée sur cette thématique en lien avec l'enfance et les publics femmes à la rue. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Rémi Bernard. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ARS. Merci à vous. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.